Mwen la tout eseye pou nou, men mwen la kompri. Koun api sentiman pou mwen, pou sa ou vepi. Don a nou e chans, ou ki ale dire kou men gale. Ou la trouv l'amour en not kote, ou la trouv l'amour en not kote. Toute cette nuit aujourd'hui, c'est trouve l'amour dans la vie. Ma palo plus.